Le Chat Noir Productions vous présente de Laurent Garnier et David Brun-Lambert aux éditions Flammarion. Électrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Électrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brun-Lambert narrant toute l'histoire de la techno-music racontée et vécu par Laurent Garnier des années 80 jusqu'aux années 2000, la lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance music. Électrochoc, l'émission, troisième de la série. Pour le second chapitre, intitulé French Kiss, nous retrouvons Laurent de Bougival jusqu'au Rex Club. Flashback éclair sous une pluie de paillettes. Je suis le fils cadet d'une famille de forains. Comme mon père achetait beaucoup de disques pour ses manèges, il y a toujours eu de la musique chez nous. Enfant, je me souviens de Monsieur Fournier, un ami de mon père qui dirigeait la maison de disques CBS, qui avait chez nous des cartons de disques plein les bras et nous offrait les 33 tours d'Earth, Wind & Fire, Trust ou Santana. À 10 ans, ma chambre était organisée comme une discothèque. Un lit et un bureau collés contre les murs dans un souci de gain de place et au centre, moquetté et délimité par plusieurs rangées de disques, une piste de danse susceptible d'accueillir 3 ou 4 danseurs. Une véritable mini-discothèque d'enfants avec toute la technologie possible, du stroboscope fonctionnant sur secteur jusqu'aux lumières d'ambiance posées à même les meubles, en passant par les spots multicolores fixés au mur et la boule à facettes. On actionnait une commande et celle-ci se mettait lentement à tourner, les spots braqués sur elle et moi je restais là, derrière la console de DJ que mon père m'avait confectionnée, faisant face à ma piste de danse vide, protégée par un amas de disques, cassettes, platines, amplis, micros et tout un enchevêtrement de câbles gris fuyant dans tous les sens. Lorsque j'allumais mes machines, des centaines d'étoiles blanches tournoyaient en un ballet cosmique sur les murs de ma chambre. La boule à facettes tournait chaque soir, avec ou sans musique. La piste de danse était réservée aux grandes occasions. J'en étais le principal usager bien sûr, mais comme il est difficile de s'occuper de la musique et de danser en même temps, et parce que l'envie me démangeait de sentir les réactions des danseurs sur les disques que je passais, je me mis très vite en quête d'un auditoire disponible dans les étages de notre immeuble à Bougival. C'était le plus souvent ma mère qui faisait office de public, assistée d'un ou deux voisins du quartier, mais la majeure partie du temps, faute de fréquentation, mon établissement restait fermé. Je m'y enfermais seul et pour une clientèle imaginaire, je sortais le grand jeu. Les lumières clignotaient, le son était poussé à fond et moi, Mr. DJ, j'étais concentré derrière mes platines, ricanant lorsque je m'apprêtais à placer un disque imparable, surexcité à l'idée que les danseurs n'allaient pas tarder à miauler de plaisir. Pendant ce manège qui pouvait durer des heures, je m'aventurais parfois sur le dance floor afin de juger de la puissance de la musique et du bon réglage du son. Puis oubliant mon rôle clé dans ce club, le plus underground de tout Bougival, je me mettais à danser, esquissant des pas qui empruntaient aussi bien au rockabilly qu'au trépignement d'un James Brown. Les nuits s'achevaient souvent avec l'intrusion de la police familiale qui estimait que ce raffut avait assez duré. La mort dans l'âme, je coupais alors la musique, rallumais les lumières pâles sur ma table de chevet et m'excusais platement auprès de mon public imaginaire. « Désolé, on ferme, ordre de la police, bonne nuit, à bientôt !» Pour les grands événements, ma discothèque était ouverte à tous, quel que soit leur âge ou confession. Lors des fêtes de famille, j'ouvrais le rideau et recevais mon premier public, amis ou parents, conviés à se trémousser dans le secret de mon petit établissement. Hello? Yeah, it's me. What's up? Just calling to let you know that I won't be needing your loving services any longer. Oh, really? Yeah. Just figured I'd clue you in on a few things. Le Chat Noir Production. Cette fascination pour la musique remonte à loin. Dès l'âge de 8 ans, je commençais à enregistrer des cassettes pour mes amis à l'école. Parce que écouter de la musique ne me suffisait plus, il fallait que je la partage. J'étais totalement obsédé par la musique. À 12 ans, la nuit, j'attendais que mes parents s'endorment, j'ouvrais la porte de ma chambre en catimini et à pas de loup, glissais jusqu'à la chaîne hi-fi familiale qui trônait dans le salon. Dans le noir, religieusement assis face au tuner, un casque vissé sur les oreilles, j'errais sur la bande FM à la recherche d'émissions consacrées aux imports sur Radio 7 ou d'autres radios libres. Je laissais une cassette vierge tourner et enregistrer des heures entières de nouveautés américaines. Un stylo dans la main, notant les références de chacun des titres diffusés, j'assouvissais ma passion pour la musique noire, soul, funk, disco, et découvrais le rock synthétique. Un samedi par mois, l'émission Les Enfants du Rock programmait Sex Machine, le show télé présenté par la paire Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet, qui m'initièrent à Prince et à toute la galaxie funk de Minneapolis. À l'époque où est apparu le Walkman, je me suis littéralement mis à vivre avec un casque vissé sur les oreilles et écouter en boucle mes cassettes d'import. Un jour, j'appris que Yannick Chevalier, DJ et animateur populaire de discothèque, crée une école de radio en région parisienne. Je demandai à mon père de m'y inscrire. Il refusa d'en entendre parler. Je n'avais pourtant qu'une envie, faire danser les gens. Et comme pour cela, un seul tourne-disque ne convenait plus, j'ai demandé à mes parents de m'offrir une deuxième platine et une table de mixage, la panoplie du disc jockey. À 14 ans, la bande FM vivait l'époque des radios libres. J'ai monté ma petite antenne pirate, Radio Teenager, avec un ami du quartier. On émettait depuis le PEC pendant 4 heures tous les vendredis soirs. On allait également animer toutes les booms du quartier. Le samedi, en secret, je prenais le train et allais à Paris chez Champ Disque, le seul disquaire chez qui on pouvait dénicher des imports. Tout mon argent de poche y passait. Et le dimanche, au lieu d'aller jouer au foot, je passais mes après-midi en discothèque pour découvrir les nouveautés que passaient les DJ. Dans ma tête, c'était clair, je voulais devenir DJ. À l'époque, je n'avais qu'une très vague notion de ce que cela signifiait. Pour moi, ça se résumait à diffuser la meilleure musique possible, avec une certaine élégance, dans le seul but de voir un public heureux se déhancher. Alors je m'enfermais, mixais pendant des heures dans le secret de mon antre, et lorsque je fermais les yeux, écoutant la musique qui emplissait les murs tapissés de ma chambre, j'étais dans un club, mon club. Toutes les heures passées à travailler pour réaliser des mix corrects, toutes les cassettes que j'ai pu enregistrer et offrir à mes amis d'école, voire aux amis d'amis, étaient motivées par cette foi, cette idée qu'un jour la bonne cassette parviendrait à la personne qui me donnerait ma chance. Le Chat Noir Production. Plus de 20 ans ont passé, mais lorsque je me trouve dans un club, que je vois le clignotement des stroboscopes, les galaxies d'étoiles projetées sur les murs par une boule à facettes qui lentement tourne, lorsque j'entends le son pousser très fort, que j'observe la réaction du public, je suis encore ému. Tous ces éléments me ramènent au premier flash, à la première émotion d'enfant, une nuit d'été en Italie. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Nous étions en vacances, en famille, pour quelques semaines près de Rimini. Un soir, mes parents déposèrent mon frère sur le parking d'une discothèque des environs, le Baia Imperial. Le panneau qui trônait à l'entrée promettait 7 pistes de danse, 7 ambiances différentes et plusieurs bars en extérieur. Depuis notre stationnement, à quelques pas des grilles du club, on pouvait même apercevoir la lumière diffusée par les spots, les boules à facettes et autres stroboscopes qui tournoyaient dans un même mouvement, éclairant la nuit et faisant pâlir les étoiles. Au moment où mon frère descendit de la voiture pour se diriger vers l'entrée, une des salles en plein air résonna des premières mesures du titre de Donna Summer, I Feel Love. J'étais sur la banquette arrière de la voiture familiale. Donna Summer susurrait qu'elle sentait l'amour. Je me suis mis à reprendre les paroles en chœur dans un anglais proche du yaourt. Mes mains moites, appuyées sur la portière, la vitre baissée, la tête et le corps attirés hors de la voiture comme pour mieux me rapprocher de la source de bonheur. Un immense halo de lumière multicolore s'est alors déployé, tel un filet magique, étendant son emprise sur le club. J'étais ébloui. Dès le lendemain, j'ai couru dans les boutiques de touristes acheter des autocollants de la Baia Imperial à l'effigie de Marilyn Monroe. J'avais vécu un choc de 20 secondes qui allait me marquer à vie. Et de cette expérience resteraient des stickers qui finiraient leur jour sur le contreplaqué de mes meubles d'enfant, sur mes cahiers d'écolier, sur les platines de mon mini-club et sur le miroir de la salle de bain de la famille Garnier. Un premier signe extérieur de fétichisme qui constituait le seul lien visible entre mon expérience italienne et mon désir de devenir DJ. Le Chat Noir Production. http://lechatnoir.forumactif.com http://leshanware.forumactif.com Bien des années plus tard, en jouant les bons disques au bon moment, en étant généreux avec le public, en faisant tout pour le toucher au cœur, j'ai pu me dire « Voilà ce dont j'ai toujours rêvé, ce que j'ai toujours voulu ressentir. » Car avec le cumul des années, une autre finalité que le simple plaisir de diffuser des bons disques s'était imposée. J'ai réalisé qu'il y avait un Graal à atteindre, une magie à tenter d'embrasser chaque nuit, faire rêver les danseurs, les surprendre, les séduire par le choix des couleurs musicales, et réveiller chez eux ce besoin primaire, vital, de danser et de s'époumoner en chœur. Pour cet échange, pas besoin d'être un leader naturel, il faut juste aiguiser le goût de la rencontre. C'est un rapport étrange qui se développe entre le DJ et son public, une relation dans laquelle une domination, même sous-jacente, prédomine. Le DJ capte une électricité dans l'air, cette énergie émanant de la rencontre entre la musique, les lumières et les danseurs, et ce dans le huis clos d'un club. Si tous les paramètres nécessaires à la naissance de l'alchimie sont réunis, des règles sociales pour quelques heures abolies, un désir viscéral de plonger dans la danse, de s'y abandonner, les danseurs libéreront une gamme de sentiments exceptionnels. Un courant électrique se produit, son intensité comme son évolution ne tiennent plus qu'aux directions que le DJ donne. La musique devient voyage. Dans ces moments de grâce, soulever l'aiguille d'un disque dont l'écho résonne dans le sound system d'un club équivaut à foudroyer 500, 1000 ou 50 000 personnes d'un coup. Et à contrario, même un bon disque joué au mauvais moment peut faire disparaître en un instant le fil et l'intrigue d'une histoire jusque-là savamment bâtie. Il n'y a pas d'autre secret dans le rôle du DJ que le sens du partage. Chat Noir Productions. Le mois de juillet 88 touchait à sa fin lorsque je quittais Manchester et s'est armé de deux platines Technics MK2, de quelques sacs de vêtements, et de plusieurs caisses de disques que je réintégrais ma chambre d'enfant à Bougival. Elle avait peu changé depuis les lointaines années de l'ouverture de mon micro-club, 15 ans plus tôt. De vieux posters de David Bowie ou Marilyn Monroe recouvraient encore les murs. Mes deux antiques platines et ma boule à facettes n'avaient pas bougé. Même les disques semblaient avoir été oubliés là, droits comme des i dans leur caisse de bois. Des disques de Barry White, d'Earth, Wind & Fire, ou même Ted Nugent. Personne n'est parfait. Le parfum des pièces, consciencieusement astiqué, flottait dans l'air. Je flânais dans ces 25 mètres carrés, m'assis sur mon lit trop étroit, déterrais de vieux magazines empilés dans des cartons, puis abandonnant un numéro d'actuel, je me dirigeais vers ma vieille cabine DJ. J'allumais les interrupteurs, les spots clignotèrent, la boule à facettes se mit à tournoyer. Je me mis à fouiller dans mes anciens disques pendant que l'amplificateur à lampe chauffait dans un grésillement à peine perceptible et déterrais un maxi 45 tours au sigle du label disco Casablanca, produit par le musicien allemand Giorgio Moroder en 1977. Donna Summer, I Feel Love. Je sortis le disque vinyle de sa pochette plastique, l'essuyai délicatement d'un revers de manche, le plaçai sur le plateau de ma platine. L'aiguille crépita, trouva sa place sur le sillon. Je réglai l'ampli à son maximum et les premières notes emplirent la pièce. Un beat à mi-chemin entre le bruit métronomique d'un train en marche et la sensualité d'une basse disco emplit les murs de ma chambre pour 11 minutes. Et tandis que le groove diabolique d'I Feel Love s'installait, je filais sur ma piste de danse, les bras en l'air, hurlant à la mort. We're Le Chat Noir Production. http://lechatnoir.forumactif.com http://leshanware.forumactif.com Le 1er août 88, j'intégrais le régiment de marche du Tchad de Montléri, le RMT, où je fis mes classes pendant 6 semaines. Pas le grand bonheur. Tout ce que je possédais tenait dans une boîte à chaussures. 20 cassettes que je m'étais enregistrées avant de quitter Manchester. Ensuite, pistonné par une amie de ma mère, je fus affecté à Versailles comme serveur aux messes des officiers. J'étais sauvé du naufrage, avec en prime la possibilité de rentrer chez moi tous les soirs. Mais cela ne m'empêchait pas de me sentir coincé, sans perspective. Plusieurs semaines défilèrent ainsi. Un jour, j'expliquais à mon adjudant, plutôt courtois et compréhensif, que j'avais une maison à Manchester et devais gagner ma vie pour en payer les traites. Il donna des instructions pour que je sois en charge de la musique à chaque réception donnée aux messes des officiers. Ces soirées réunissaient plus de 200 militaires venus se lâcher le temps d'une nuit arrosée et qui me réclamaient des disques de Mylène Farmer. Mais arrivé à un moment où ils étaient trop ivres pour exiger quoi que ce soit, je leur glissais quelques disques de House, les tubes underground de Chicago, Can You Feel It de Mr. Fingers, ou les disques de Royal House. Et je regardais les cadres de l'armée se déhancher façon bebop. C'est un détail amusant. Ces militaires furent parmi les premiers en France à danser sur de la house. En septembre 88, je pénétrais dans le club où les premières soirées acid house jamais organisées à Paris avaient eu lieu. Nous sommes boulevard Poissonnière, à quelques enjambées du mythique palace, au cœur des fondations du cinéma Le Rex. Je connaissais Le Rex Club et sa réputation rock, mais je n'y avais jamais mis les pieds. Intrigué, après ma journée de serveur aux messes des officiers, je me rendis dans ce club qui allait bientôt faire partie de ma vie. Je descendis le long escalier qui mène 20 mètres plus bas à une longue salle sombre, basse de plafond. Je longeai un bar saturé de lumière blafarde. Face à moi s'étendait le cœur du Rex Club. Seuls quelques scans permettaient de discerner les corps des garçons. J'avançai à tâtons jusqu'à une piste de danse agencée en demi-cercle et délimitée par une scène de concert entourée de lourds rideaux pourpres. Là, écrasé par un sound system réglé selon une configuration rock, peu de basses, beaucoup de médiums. Des danseurs se trémoussaient comme au ralenti, arrosés par les flashs d'une rangée de stroboscopes. À droite de la piste, une seconde salle comprenant table et alcôve faisait office de salle de décompression. Un bar plus intime recueillait une clientèle désireuse de bavarder entre deux déhanchements, loin du fracas assourdissant de la musique. La cabine du DJ était située à la lisière de ces deux espaces, frontière imaginaire mais bien réelle. Je jetai un coup d'œil à l'antre du DJ et je réalisais que le Rex correspondait exactement au climat d'un club à l'anglaise. Dans quelques années, le Rex allait devenir le phare grâce auquel house music et techno navigueraient dans la nuit parisienne, marquant les esprits par ses prises de risques et sa foi inconditionnelle dans ces deux genres musicaux. Mon destin, tout comme celui de dizaines d'autres DJ ou musiciens, y est étroitement attaché. Mais avant d'aborder cet épisode, il convient d'en raconter l'histoire et les fondements. Thank you. Le Chat Noir Production. Christian Paulet est l'âme du Rex depuis 1984, année où il fut engagé comme régisseur par le promoteur Garance Productions. L'idée d'origine était de faire une sorte de Cotton Club parisien. Lors de ces soirées, l'orchestre se consacrerait au jazz big band, les musiciens étant habillés en costumes rétro et jouant sagement alignés en rang. Mais le concept n'a jamais pris. À cette époque, le rock alternatif était en pleine effervescence en France et les programmateurs du Rex décidèrent de se positionner dans cette niche. Un rythme de 3 concerts par semaine s'est très vite imposé, accueillant parfois des artistes qui deviendraient importants comme les Red Hot Chili Peppers, les Rita Mitsouko, dont le Rex accueillit le premier concert, Suzanne Vega, Tower of Power, Chris Isaak ou un aftershow de Prince. Jusqu'en 87, le Rex avait une image rock très forte. Toutes les tournées qui passaient par Paris et qui convenaient à la capacité limitée de la salle, soit 400 personnes, s'arrêtaient boulevard Poissonnière. Christian Paulet dépassa très vite ses fonctions de régisseur et se mit à organiser les concerts du Rex. Puis en 87, le cinéma, propriétaire des lieux, commença à projeter ses films également en soirée. Le simple fait d'organiser les balances de son des groupes posait des problèmes de nuisance sonore. Garance Productions venait de racheter l'Élysée Montmartre, la salle de spectacle du boulevard Rochechouart, et décida de se retirer de l'aventure. C'est à ce moment-là que Christian Paulet proposa au propriétaire du Rex de reprendre la direction du lieu. Tout était à reconstruire. Il démarcha les promoteurs de soirées à Paris, les invitant à venir travailler au Rex. Tous acceptèrent. Le Rex était toujours une salle clairement positionnée rock, mais les concerts disparurent progressivement et des soirées furent planifiées pratiquement tous les soirs. Les styles se sont eux aussi diversifiés. Des nuits rock, dub, hip-hop s'enchaînaient toute la semaine sans que leur clientèle soit amenée à se croiser. I run from you. This tainted love you've given, Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Le Chat Noir Productions. Un jour, Kevin et Barbara, promoteurs londoniens, proposèrent à Christian Paulet de monter une soirée Acid House au Rex Club. Ils n'avaient jamais entendu parler d'Acid House. Mais comme ces gens semblaient sérieux et organisaient régulièrement des soirées de ce genre en Angleterre, il accepta. Cette première soirée house au Rex fut baptisée Jungle. Sur le flyer, les organisateurs n'avaient même pas mentionné le Rex. On y distinguait que l'adresse et le nom de la soirée. Christian se souvient. J'ai trouvé cette nuit délirante, je n'avais jamais croisé une proposition comparable. C'était extravagant et chaleureux. À mes yeux, ce qui s'était produit durant cette soirée n'avait encore jamais eu lieu par ici, que ce soit au niveau de l'ambiance, de l'énergie ou de la clientèle. On trouvait une très forte proportion de gays, pas mal de gens branchés, des gens de la presse et de la mode intrigués par l'événement. Tous étaient d'une certaine façon les précurseurs du genre en France. Ils avaient manifestement déjà entendu parler d'Acid House, gardé un œil attentif sur ce qui se passait en Angleterre. Certains avaient déjà fait plusieurs fois l'aller-retour Paris-Londres pour vivre les premières heures du Summer of Love. Les organisateurs proposaient un concept neuf autour de la fête, à une époque où tout s'essoufflait. Soudain, à travers la vague Acid House, on se trouvait face à une nouvelle énergie qui redonnait au public l'envie de sortir. J'étais très marqué par cette découverte. Mais je n'ai à aucun moment imaginé que la house allait devenir une étape fondamentale dans l'évolution du Rex. J'ai juste constaté que le public se renouvelait, que la musique était neuve et pertinente. Alors nous avons décidé d'accueillir de plus en plus régulièrement la house dans nos murs. Printemps 88, la house venait de trouver sa première résidence à Paris. Le Chat Noir Production. Et parfois, dans ces moments de grâce, soulever l'aiguille d'un disque dont l'écho résonne dans le sound system d'un club et qui voit foudroyer 500, 1000, 50 000 personnes d'un. Le Chat Noir Production vous a présenté Electrochoc.